Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h, 21h30 pour parler de l'actualité des Girondins de Bordeaux ce week-end. L'actualité, c'est la défaite hier pour la deuxième journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stadium de Toulouse, 2-1. On va y revenir évidemment, y consacrer un très large après-match dans cette émission. On parlera également du match de jeudi soir 20h45 contre la Gantoise en toile. C'est le premier match aller du barrage d'Europa League. Match aller des phases de poule, voilà, de l'Europa League. Et on fera un point évidemment sur les infos du jour, le mercato, les transferts et évidemment sur la situation actuelle du club, toujours sans coach. On parlera des possibles pistes, toujours sans plus ou moins d'attaquant titulaire, on va évidemment en reparler. Et si on a le temps avec tout ça, parce que je viens de me rendre compte que ça fait un petit peu chargé, on aura un débat actuel sur le niveau, un débat sur Benoît Costil, je sais pas qui, si on aura le temps de le faire, mais on essaiera de le placer. Ne me dites pas oui, vous en savez rien, on verra si on a le temps, on le fera. On va le faire pendant le match. Ouais, voilà, à la limite, on l'intègre pendant le match. Allez, messieurs. Attends, ce micro marche. Tout à fait, je t'entends. Oui, oui. Très bien. Je peux monter un peu le son si tu veux, tu peux t'entendre mieux. Ouais, parce que je trouve que c'est léger, mais enfin, tu regardes, de toute façon, c'est toi qui as la console. Ouais, non, mais là, t'es à fond et ça va. Mais c'est bien, alors. Donc, je suis. On n'y bug pas pour l'instant, tu veux, donc c'est. Non, t'inquiète pas, ça va. Allez, on va commencer l'émission. On va accueillir déjà nos amis du chat présents ce soir. Ça va arriver petit à petit. Donc, bonsoir à vous. On voulait, enfin, à titre, je pense, personnel, mais je pense que tout le monde est d'accord, vous remercier pour l'émission de vendredi soir. Je pense que c'était plutôt pas mal. On a passé 4 heures en direct avec vous, donc merci à vous d'avoir été présent jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les podcasts que Marc a préparés sur le site. C'est quoi les, où les podcasts, Marco? C'est sur archive.org, mais vous avez tous les liens depuis Écouter GA, donc Girondin33/Écouter GA. Vous avez un lien vers tous les podcasts de l'émission, et puis après vous avez tous les réseaux sociaux. Enfin, on les a beaucoup reliés. Avec nous ce soir, donc Marc, vous venez de l'entendre. Salut Marco. Salut à tous. Comment ça va? Bien. Dépressif. Je m'attendais à te voir hier à Toulouse. Ah bah non, j'étais un repas de famille, donc non, t'allais pas me voir. Enzo, comment ça va mon grand? Ça va. Hein. Bien, bien. Ouais, ça pourrait aller mieux, on va dire, mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui... T'es pas content? Mais non, ben non, comme tout supporter bordelais, je peux pas me satisfaire de ce qui se passe en ce moment. Calmos, les enfants, tranquille. Non, non, y'a pas de calmos. Le club va mal, je vais mal, tout simplement. Tout va rentrer dans l'ordre, tout va bien aller. Cyril. Ouais. Salut tout le monde. Tu vois, Cyril, il a repris le travail aujourd'hui, il est détendu, il est serein. Justement, il est ça va pas, mais à cause de ça. C'est pour ça qu'il m'en a parlé pendant 10 minutes dans la voiture. Tu vois, il est bien là, il sort. Bon, allez, c'était pour. Ouais, mais je suis dépressif comme Marc, mais pas pour le football. Bah lui, il est pas prêt de reprendre le boulot, ça va Adrien? Ça va. Eh bien, du coup, ça va bien. Quand c'est que tu reprends les cours, toi? Ou ce qui y ressemble? Il faut que je m'inscrive cette semaine, voilà. Pour l'année prochaine, non? Oui. Que je m'inscrive au chômage. Ça va? Non, ça va très bien. Il est de retour parmi nous, c'est Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. La montagne, l'air frais de la montagne. Ça gagne pas. C'était bien. Ouais, oui, là pour le coup, malheureusement. Oh, enfin, si, t'as vu quand même. Ah, mais non, t'étais parti pile pour Strasbourg et. Ouais. Oui, bon, c'est vrai que ça a pas trop gagné. Ouais. Mais bon. Ouais. Espérons. Mais dimanche, ça ira mieux dimanche. Eh ben, on a qu'à aller à la mer, alors, avec un peu de chance. Ouais. Putain, oui, c'est vrai que c'est Monaco dimanche. Bien, bah, je crois que j'ai rien oublié. On va pouvoir, attaquer directement, donc, par l'après-match. Ouh, on a quelqu'un au téléphone, j'ai complètement oublié. C'est qui, Marco? Voilà, Dexter, qui veut réagir sur le journal de Bordeaux. Il avait dit sur, il avait prévenu sur les réseaux sociaux qu'il allait appeler, doit me remonter le moral, puisque je lui ai dit que j'étais dépressif. Salut, Dexter. Bonsoir, Dexter. Salut à tous. Comment ça va, Dexter? Depuis vendredi? Bah, je pète la forme. Non, c'est vendredi qu'on t'a eu. Oui, c'est vendredi. C'est vendredi qu'on est. Ouais, mais moi je suis comme toi, je suis pas si dépressif que ça là. Tout le monde est. Tout le monde est au fond du sac. Je pense que c'est pas du tout les mêmes raisons que toi, tu vois. Lui, ah, ouais, alors vas-y, dis-nous, avant qu'on attaque sur Toulouse, qu'est-ce qui se passe? De quoi, moi? Oui, bah oui, toi. Non, mais je plaisantais, c'est ironique. Ah. Je pète la forme, oui. En dehors des Girondins, quoi. Mais sinon, les Girondins, c'est la catastrophe. Ah, mais alors bon, ok, donc je suis le seul à être. Ça peut être pire, Adrien. Ça peut être pire, Dexter. Toi, là. Non, ah, ça va. rassure-moi. Que ça peut être pire, Dexter, quand même. Bah oui, ça peut être pire. Ah oui, ça pourrait être pire, on pourrait déjà être éliminé. Oui, imagine, les Américains rachètent pas le club. Oui, ah voilà. Oui, là, c'est pire. Là. C'est largement pire. On prend une pile 3-0 jeudi. On n'y est pas encore à jeudi. Peut-être que jeudi, je dirais, ouais, effectivement, ça craint. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas, les gars. Ah oui, si on se fait éliminer par la Gantoise, oui, là, ça sera plus dur déjà. Et voilà, pour l'instant, c'est pas tu le cas. On arrive à trouver du pire. On peut toujours trouver pire. Mais à l'instant T. Non, à l'instant T, être le pire, ça aurait déjà été éliminé bon. Jeudi dernier. Dexter, mais... tu fais le débrief avec nous de Toulouse ? Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Donc, je cherche les stats en même temps que je vous parle. Figurez-vous que c'est... alors, vu du stade, je trouve ça un peu bizarre, mais la possession, c'est 50-50. C'est quasiment les mêmes stats en termes de tirs, hein, 13 d'un côté, 11 de l'autre, 5 cadrés pour nos amis toulousains et 7 pour Bordeaux. Je vous passe les passes réussies, machin, on s'en fout. C'est pas beaucoup passé par les côtés, côté toulousain, c'est beaucoup passé par l'axe. Beaucoup plus côté bordelais, 26 centres. Et seulement deux petits cartons jaunes. C'était pas un match méchant ou violent, même s'il y a eu beaucoup de petits accrochages, mais ça va, dans l'ensemble, c'était plutôt assez correct. Qui veut se lancer sur ce débrief ? Allez, vas-y, Marco. J'étais tellement bien, mon petit téléphone m'a... Sachant que vous êtes 5 plus Dexter, je vais volontairement vous laisser parler de ce match. Je te fais ça rapide. Donc déjà, tu regardes le match sur un écran de téléphone en captant pas très bien la 4G, donc l'image n'est pas hyper belle. Et tu vois la première demi-heure avec un échange de passes ratées entre Toulousains et Bordelais, de longs ballons qui vont nulle part, de catastrophe. Enfin, c'était d'un faible niveau. Et le problème, c'est que c'est pas monté plus haut. Il y a eu 2-3 éclairs de génie qui ont amené 3 buts. Et c'est tout. Il s'est rien passé. Tu as une sortie de Costil, il rate le ballon. Si le joueur mais à 1 cm de cheveux ou de nez, tu sais, juste si le mec il a le nez à Costil, il y a but. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ou la barbe. Ou la barbe de Costil. Ou la coupe de cheveux dégueulasse à n'importe quel autre joueur de Ligue 1. Pourquoi tu focalises plus sur cette sortie-là que sur des spécificités de Plasil, de Lorager, c'est l'exemple extrême de tout ce que j'ai vu pendant le match. Quand je te dis que les Bordelais faisaient des passes aux Toulousains et inversement, c'est que je les mets tous et t'as rien, y a personne qui a été bon. T'as des joueurs qui avaient la charrette complète, qui avaient plus rien dans les jambes. Le milieu bordelais, ils avaient rien dans les jambes. J'ai vu notre arrière droit, j'ai pas envie de le juger sur un match. J'ai vu beaucoup de commentaires positifs. Moi, j'ai trouvé quand même assez perdu par moments sur pelouse. Alors, il faut composer, jouer. T'as encore une défense inédite, donc c'est compliqué. Je peux pas les juger là-dessus. Et avec un milieu terrain inédit aussi devant lui. C'est comme Kalou devant qui connaissait pas. Enfin voilà. Mais Kalou, je l'ai vu défendre et tout, donc je me dis ça passe à peu près. Mais t'as personne qui a été au niveau. Personne. De Prévy, je l'ai trouvé nul. Le problème, c'est que j'ai trouvé Briand aussi à chier. Briand, je l'ai pas eu pendant 90 minutes, alors qu'il rentre au milieu d'une défense qui est censée être plus fatiguée. Je l'ai pas vu remuer. Enfin, j'ai pas vu ce que j'attends d'un neuf qui joue seul en pointe. J'avais l'impression de le voir jouer comme s'il avait un deuxième attaquant avec lui. Qui t'a vu bon, juste rassure-moi, là? Personne. J'ai trouvé personne bon. Réellement, j'ai trouvé personne de bon. Ah bon? J'ai trouvé... pas trop mal l'aile droite, parce que c'était leur premier match et que tu peux pas être plus méchant, enfin tu peux pas être plus précis que ça, mais j'ai vu Pungé comme s'il avait signé son contrat hier, c'était repartir dans les mêmes mauvais gestes que d'habitude. Ça fait 3 ans, Moi, je suis pas d'accord. Moi c'est fini, moi j'ai trouvé tout le monde nul. moi je suis pas d'accord, mais après alors moi j'interviens. C'est peut-être la taille du téléphone qui fait ça. J'interviens vite fait. Moi justement je trouve que les ailes ont plutôt été satisfaisantes. Alors c'est vrai que Palencia, moi, ce que j'ai trouvé satisfaisant, c'est dans l'intensité des duels. J'ai trouvé qu'il était au rendez-vous. J'ai trouvé aussi que dans le jeu de passe et dans la construction du jeu, techniquement, il est très bon. Il était intéressant. Alors, c'est vrai qu'il a une dimension athlétique qui est peut-être un petit peu en dessous. Et c'est là que Gradel l'a fait souffrir, sur les accélérations et sur des changements de direction. Mais après, ça se travaille. C'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler à l'entraînement. C'est quelque chose où il va pouvoir s'améliorer. Pungé, moi j'ai trouvé que l'aile gauche plutôt sérieuse. Moi je trouve que sur les ailes on n'a pas été pris. Là où on a été pris à défaut, c'est au cœur du jeu. Voilà, avec Koundé, avec ton accent de Koundé, Levchuk. S'il faut faire un classement du plus mauvais, je pense que notre, moi c'est ce que je vous ai mis, mon flop, c'est les trois au milieu de terrain. J'aurais pu mettre Costil, j'aurais pu en mettre d'autres, mais le milieu de terrain, ça a été dépassé. Non, Écoute, laisse-moi juste terminer. Moi, je trouve que notre axe, là, dans le cœur du jeu, vraiment, notre colonne vertébrale, c'est là que ça a été défaillant. Voilà. Après, je passe la main. Dexter, peut-être que tu veux réagir. Ouais, ben moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est le problème, ça a été l'axe. C'est impossible de faire du jeu avec un milieu pareil. Quoi. Plasil, le rageur, c'est pas possible. On sait tout, je pense que Plasil, il est cramé. Donc c'est... Il était en difficulté sur tous les ballons, il gagnait aucun duel, il perdait tout le temps la balle. Après, je cherche les points positifs, c'est vrai que... Il y a eu Kalou un petit peu qui s'est montré sur le côté. Bah, tu t'es quand même procuré quelques... Enfin, oui, voilà. René, je suis désolé, fait un très bon match. Et par définition, si René fait un très bon match, c'est qu'il a quand même eu du boulot. Enfin, je sais pas, mais... il a fait une belle frappe, Kalou, une belle frappe, un beau centre pour Camano pour une tête pourrie. Après, la tête de Koundé. T'as l'arrêt sur les ragueurs, même si les ragueurs jouent mal le coup. T'as le face-à-face sur le ragueur, t'as une frappe de Kalou, t'as la tête de Koundé. Moi, je suis désolé, si vous satisfaisez de ça, les mecs, c'est la saison. Non, bien sûr que Bordeaux non, a cadré 7 tirs. Je suis désolé, si Bordeaux a cadré 7 tirs et qu'on a marqué 15, c'est que par définition, le gardien a fait 6 arrêts. Ou que les frappes, c'est des passes. Là où on a pêché, surtout, c'était défensivement, parce que Let's Shook, ça a été une catastrophe tout le match. On peut pas confiamment jouer avec Letchouk en troisième défense centrale, c'est pas possible. Mais le problème c'est enfin il a pas le niveau. Mais en fait, je sais pas si c'est un niveau après, en fait, le problème c'est qu'on a fait la préparation, qui a joué dans cette préparation en défense centrale? Si Letchouk a un peu joué. Ouais, mais on avait toujours les mêmes. Enfin, il y en a que deux qui sont prêts. Le problème, c'est que c'est à toi, soit des joueurs cramés, soit des joueurs en manque de rythme. Et on est au mois d'août. Ça devrait pas arriver, ce genre de choses. On l'a dit, répété. Il fallait faire tourner. Le match de jeudi, c'était un match qui servait à rien. Il fallait faire tourner. On a vu la même équipe que depuis le début du championnat. Il y a un problème là-dessus. Thibaut? Oui, non, mais j'écoute. C'est vrai que je suis assez d'accord avec Cyril sur, la colonne vertébrale qui a été défaillante. Après, Koundé a fait un mauvais match aussi, ça peut s'expliquer puisqu'il jouait côté gauche de l'axe central alors qu'il est habitué à jouer côté droit. Mais comme on a préféré privilégier l'expérience de Levchuk sur ce match-là, en le mettant dans les meilleures dispositions possibles, ça n'a pas marché. Et puis après, on a clairement fait face à un milieu de terrain qui était complètement à la ramasse, fatigué. J'ai trouvé. Pas forcément manque de rythme, mais plutôt des jambes lourdes. Cramé, on peut dire ça comme ça. Bédoué a essayé de faire des choix, puisqu'au début on commence en 4-3-3, il a modifié en 4-2-3 très rapidement, et puis l'entrée de Vada aussi en 10 derrière, enfin une espèce de 10 derrière l'attaquant là. C'est compliqué, et puis bon, je vais pas redire tout ce qu'a dit Marc, mais je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que Bordeaux, de toute façon, sur ce match-là, n'a pas existé et qu'on a globalement assisté à un très mauvais match de football de la part des deux équipes. Voilà. Avant de juste donner la parole à Enzo, il y a quand même un truc. On a un coach qui est préparateur physique à la base, quand même, c'est son métier. Je sais pas, il le voit quand même que les mecs sont. Enfin, je sais pas, il le voit pas que Plasil. On le voit au bout de 20 minutes, nous, dans le stade, ou une demi-heure, que Plasil, il est cramé et après, il avance plus. Il fait face à une situation aussi de crise, c'est-à-dire d'urgence. L'entraîneur vient d'être mis à pied. Il a besoin aussi. Je pense qu'il y a eu des discussions dans le vestiaire avant le match, et il avait besoin de s'appuyer sur des gens. De confiance, voilà. Ouais, après, mais il est pas obligé de le laisser 90 minutes. Ah, il est pas obligé de le laisser 90 minutes, c'est sûr, mais il fait rentrer qui? Ben, il aurait pu faire rentrer Bazic. Otavio était pas là, on sait pas pourquoi. Bazic à la place. C'est vrai. Et Bazic. J'ai oublié Bazic. Enzo Lito. Dans le fond, ce match, c'est clairement une catastrophe. On a eu une ossature horrible. On a eu une défense centrale que j'ai trouvée mais lamentable. Alors que ce soit Koundé aussi, mais alors que j'adore ce joueur, mais vraiment sur ce match, j'ai trouvé très mauvais. Sûrement aussi le fait qu'il ait Letchouk à côté. J'ai pas compris aussi le fait que Jovanovic ne soit encore pas testé, alors que pourtant Jovanovic, quand même, on en parlait quand même comme un bon joueur de base. Après, pourquoi ne pas le tester? On sait très bien que Letchouk est cramé, que Letchouk est nul et qu'il fait une début de saison pourrie. Donc ça, j'arrive pas à comprendre. Après, un truc qui m'a déçu, c'est que, comme l'a dit Thibaut, on est passé en 4-2-3-1. C'est le système préférentiel de Bedouin. Et pourquoi mettre 140 10? pourquoi Sankari, il a un abattage énorme que tu peux mettre en milieu. Pourquoi t'as des mecs comme Vada, t'as des mecs comme Depréville ou même comme Zaidou qui peuvent jouer plus, qui sont plus offensifs, qui auraient pu peut-être faire ouais, plus l'affaire à ce poste. Dans les duels, il aurait posé, il était censé poser des problèmes à Sankari qui physiquement qui est impressionnant et voilà. Moi, à mon avis, tactiquement, c'est à ça qu'en pensait Bédoué. Après, alors, juste rappel, hein, tout à l'heure à 21h, on aura Nando Chachalana avec nous et que vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31 pour réagir à l'antenne. On est avec Dexter en ce moment. Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle avec Bédoué, est-ce que réellement il fait un groupe pour être le avec les meilleurs physiquement, ceux qui ont le plus d'énergie, ceux qui seraient les plus aptes, ou il fait un groupe en se disant bon le côté droit, je suis un peu obligé de faire ça parce que je peux Youssouf c'est aussi un jeune et puis de toute façon je n'ai pas d'arrière droit et de se dire ben je vais composer en essayant de pas cramer mon groupe, de mettre ceux que je considère que mentalement ils sont les plus forts et de pas mettre des joueurs devant qui pourraient être pointés du doigt. Je vais prendre un cas tout bête. On dit je joue avec Andy, je mets Vada. Si Vada il fait un match tout pourri, la moitié des supporters vont lui tomber dessus et vont dire ah voilà si je jouais pas sur Poyet, si je jouais pas avec Gourvenec, si vous avez des raisons, on a vraiment un groupe de merde avec ça. Donc il est pour moi les choix sont pas faits dans le but, j'ai envie de gagner le match, les choix sont faits dans le but de protéger son groupe. Ça tient pas ce que tu dis. Pourquoi? Bah parce qu'il a mis Depréville, il est pas tu vois mais bien que le problème c'est que si tu le sors tu le coules le mec. Bah oui, mais le sortir à la 45e, c'est pareil. Bah mais arrive un moment, tu perds, et bon, il faut une réaction, après tu peux pas... T'as quand même des choix à faire, mais je pense que le début de match, la compo qu'il met au début, elle est dans cet esprit-là. Ne pas couler son groupe. Depréville, il avait été soutenu par un bon paquet de joueurs après son match très mauvais de jeudi. Donc bon. Je pense qu'il y a juste cette vision psychologique qui a primé sur le groupe. Je suis pas sûr que jeudi... Il y ait les mêmes choix qui soient faits parce que on considère que c'est la Coupe d'Europe. Je pense qu'il n'y aura pas, mais je pense peut-être que Lauriger ou Plasil devrait souffler. On devrait voir Basic, j'espère, parce que sinon je vais vraiment me demander pourquoi on l'a recruté. À gauche, tu pourras pas faire autrement. On va avoir le retour de Pedro. On aura toujours Pedro pour l'instant, il est pas là. Quoi? De Pablo. Pablo, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, je vois. En fait, je ne vois que ça au vu de la connaissance qu'on a de l'homme. Pour expliquer ce qui se passe. Après, personnellement, j'aurais pas fait cette compo. Et puis, de toute façon, on aurait fait n'importe quelle compo. Si la moitié des joueurs décident de rater des passes à un mètre, tu peux rien faire. Là, c'est pas le coach le problème. Avant de passer au top et au flop sur Twitter, juste Eric Bédoué, après match, a expliqué ses choix, puisque voilà, la question lui a été posée. Donc, il a dit oui. Non, vas-y, continue. Je t'ai complètement oublié, tout à fait. Ouais, non, mais vas-y. Non, mais après, pour expliquer le choix de Bédoué, et ça va coordonner avec la déclaration d'après-match, il a mis les joueurs qui étaient, entre guillemets, les cadres de l'équipe. Seul problème, c'est que physiquement, beaucoup étaient cramés sur ce match. Et à la fin du match, il explique où il dit il y a beaucoup de joueurs qui physiquement sont à la peine. Il va falloir faire tourner, même si ça va déplaire à certains. Donc sur ce match, ça s'est vu surtout à partir de dès qu'on prend le deuxième but et la deuxième partie de seconde mi-temps où là ça faisait peine à voir vu qu'on sentait qu'on pouvait pas aller de l'avant de nouveau, on ratait des passes simples, Koundé te fait une relance dans l'axe, et puis heureusement qu'un défenseur décide de tacler l'adversaire quand il va au but. Après, Plasil te rate toutes ses passes, mais des basiques que lui, il les réussit tout le temps, même quand il marche. Le mauvais match de Plasil à Bordeaux depuis au moins 3-4 ans. Ça fait un moment. Sur la seconde partie de deuxième mi-temps, c'était vraiment catastrophique. Et puis, ça sera l'image qui va nous rester. CGA, excuse-moi, parce que je vais complètement oublier. Il a complètement raison, et on l'avait déjà signé, mais on l'a complètement oublié. Basic ne peut pas jouer la double confrontation contre. Il a joué déjà avec. mais il y a Otavio. Ouais, non, mais voilà, genre, on a dit Bazic, pourquoi il jouerait pas Nainana? Bah, parce il y a Otavio, il y a Chomini. Moi, je parlais de Bazic sur ce match-là. Oui. Mais je veux dire, t'attends pas à le voir jeudi. Ah oui, bien sûr, oui. C'est vrai que le choix de pas faire sortir Plazil était étonnant. Et de faire sortir son carré, c'était étonnant. Après, est-ce que ça en vue du match de. Alors, justement, est-ce que vous pensez pas que sur ce match-là, il n'y a pas eu un impact crise, c'est-à-dire la crise non. dirigeante, non. c'est non. pas mis sur non. les joueurs. Non, j'en suis persuadé. Là, c'est purement physique. Les joueurs, ils sont pas concernés par ce qui se passe. Mais c'est pas de leur fait. Je pense pas. Je pense que tu te sens concerné par ce qui se passe. Si, mais tu le sens un peu, mais c'est pas sûr. T'es accusé de rien quand t'es joueur. Non. C'est pas dans ce sens-là. Je dis pas qu'ils prennent des critiques sur ce qui se passe. Je dis juste, est-ce que la crise qu'il y a au sein, on va dire, de l'équipe dirigeante. Enfin, on parle quand même d'un club. On sait pas trop qui gère. On sait pas si c'est M6 ou si c'est Américains. On sait pas ce qui va se passer avec les Américains, on sait toujours pas quel coach va arriver, on sait toujours pas s'il va y avoir des recrues, si elles vont être à quel poste elles vont arriver. Quand tu es joueur et que tu as ça, je me demande, est-ce que tu ne peux pas être perturbé? Est-ce que ça peut pas avoir un incident sur ta concentration, sur ta motivation? Franchement, quand tu le dis après match, alors ouais, mais bien sûr, il va pas dire l'inverse. Et non, problème, la phrase, elle a été mal interprétée. Costil après le match, il dit pas qu'il y a pas de crise. Il dit c'est pas la crise dans le vestiaire. Il dit pas c'est pas la crise dans le club, il dit c'est pas la crise dans le vestiaire. Après, c'est pas pareil. Après regarde l'analyse. C'est pas pareil. Je pense vraiment que au sein même des joueurs, je pense qu'il y a pas de problème de voilà. Et à ce sujet, on a lancé un sondage sur les réseaux sociaux, donc juste après la victoire, on n'est plus habitué à ça, on est après la défaite. Pensez-vous que la défaite de ce soir est due à la mauvaise atmosphère au sein du club? Bah évidemment, les gens ont répondu oui à 82%. Et non, bien sûr que non. Voilà, tu vois, tu te dément. Les gens ont répondu non à 55%. Eh ben c'est bien, tu vois. Ouais, ça. Je pense que oui. Mais après, quand tu regardes, t'as juste à voir aussi ce qu'a dit Kalou en conférence de fin. Juste après, je crois que c'était avec Foot Express, les confrères de Foot Express. Il dit clairement que la crise il a subi au sein du vestiaire, quoi. Ouais, il a dit que c'était pas facile pour s'intégrer. Voilà, c'est ça. Tout, ouais. Ah bah lui forcément il vient d'arriver. Mais après c'est pas ça qui explique le match. Le match. Oui, voilà, c'est ça. Le match tu le perds déjà en partie en première mi-temps où tu dois être beaucoup plus efficace. Même dans les deux, hein, ça veut dire que tu dois pas prendre de but alors qu'ils ont très peu de frappes cadrées. Et toi tu dois être un peu plus efficace devant. Tu prends ce but, t'arrives à revenir et ce qui te tue derrière c'est cette touche où c'est inadmissible de prendre un but comme ça sur une touche et là derrière tu peux plus relancer, t'as Camano il a plus de jambes, t'as Plazil qui rate toutes ses passes, au milieu il y a plus aucune entente, c'est surtout ça. Si on prend pas ce deuxième but, il y a le moyen d'y arriver. Mais ce match, il n'est pas tout noir. Je te le dis comme je pense, vu du stade à un partout, mais on est. Alors vous, devant votre télé, vous voyez le match différent, mais nous, dans le stade, et je ne vous parle pas seulement de quand on dit ouais, pris par l'ambiance. Non, je vous parle sur ce qu'on voyait sur le terrain, à un partout, mais à aucun moment, mais on n'imagine même pas Toulouse gagner le match, je vous promets. D'accord, à 0-0. Ouais. Comme à 0-0. Je suis pas d'accord, c'est pas de t'imaginer. Tu viens d'égaliser, c'est retour de vestiaire. Tu viens d'égaliser, derrière t'as 2-3 occasions. Tu te dis, allez, on est chaud, mais t'as un coup franc, t'as un machin. Mais ouais. À aucun moment tu dis, c'est bon, on a pris le match en main. Justement, à aucun moment tu prends réellement le match en main. Tu as 2-3 situations franches sur un coup de moins bien de Toulouse. Quand c'est ton tour, ils ont aussi des situations franches. La seule chose que tu dis pendant ce match-là, c'est qu'à n'importe quel moment, ça peut faire but pour l'un et l'autre. C'est tout. Enzo, on passe au top et au flop du match. Je sais ce que je dois faire, Cyril. T'inquiète pas. Merci. C'est gentil. Hop, alors attends, tu me prends un peu au dépourvu. Ah bah, je sais pas, tu me l'as annoncé tout à l'heure, tu m'as dit on fait ça et ça. Ah oui, bien sûr. Et il y a un quart d'heure. C'est ça. Alors, vos tops pour ce match, alors à savoir à chaque fois que les tops et les flops, en fait, on les fait en concertation. Sur notre groupe privé, en fait, on s'envoie chacun nos tops et flops. Et on en ressort 3-4, ça dépend du match. Alors, nos flops, nous on a sorti Costil, Plazil, Loregger, Lechuk. Et vous avez voté Costil à 52%, suivi de Plazil 27%, Lechuk 16% et Loregger 4%. Sachant que, comme l'avait précisé Cyril sur Facebook, on a volontairement sorti pas mis de Préville. C'est ça. Tout simplement, je m'explique. Ça serait trop simple. Je m'explique parce que, quoi qu'il arrive de Préville, aujourd'hui on le met dans n'importe quel sondage, oui, il va gagner. C'est ça. Donc non mais c'est à partir du moment où le sondage est négatif et que Depréville est dans l'eau, forcément il va gagner. T'as eu raison de Dexter, t'en penses quoi? Je dis pas que c'est pas injuste, en fait c'est quand même mérité. Dexter, c'est pas que c'est pas injuste, c'est pas ça que je dis. Je dis juste que des fois pour l'émission, c'est aussi bien de ressortir autre chose que Depréville. Bah oui, parce que Dexter, d'ailleurs, si t'avais toi qui n'es pas un fan de Depréville, ou peut-être tu nous as menti et en fait tu caches bien ton jeu, réellement tu aurais mis qui comme comme beat sur ce match là alors Depréville. mais si tu dois en prendre qu'un. Ah, qu'un seul, je mettrais Letchouk. Donc comme quoi, quelqu'un qui n'aime pas du tout Depréville l'aurait pas forcément. Oui, non mais après c'est mon sentiment. Oui, d'accord, moi, voilà. Mon sentiment. Alors que pour moi, Dexter, je parle sur mon flop et après je vous laisse parler et on va lancer Costil. Pour moi, mon flop c'est Costil. Parce qu'à un moment donné, quand tu as un gardien qui est international, qui est censé t'apporter de l'expérience et compagnie, il doit te sortir des arrêts décisifs. Or, il en a fait. Et il en a fait deux quand il y a 2-0. Quand il y a 2-1. Non, pas du tout. Ah bah, en première mi-temps, il en fait un devant moi. Il en fait pas. Je suis désolé. Il fait pas un arrêt de classe. Le seul qu'il fait, c'est sur Durmaz. Mais et il le fait à 2-1. Il se fait lober à 3 mètres alors qu'il fait 2 mètres. La frappe, elle est plein centre et me dit pas le contraire. Ah bah, sur le deuxième, j'étais derrière. Sur le deuxième, mais t'as pas vu le but. Si regarde le but, regarde l'endroit où est placé le ballon et tu verras qu'il est plein centre. Sur le deuxième but qu'on prend, c'est une frappe à terre qui est à 3 mètres du poteau. Je le bras en plus. Donc, non, mais je veux bien que. Ah non, mais moi, en plus j'ai hésité entre Letchouk et Costil. Donc, quand on reprend aussi le premier match où. Il est à moitié coupable sur Pablo, voilà, sur son carton rouge. Il est aussi coupable sur le corner avec le Raguer, parce que mine de rien, s'il met un joueur au poteau, il y a peut-être pas but. Je suis désolé, je vois pas. Donc du coup, moi, Costil, c'est un gros point noir sur ce début de saison. Si tu m'expliques qu'une frappe qui finit petit filet opposé, elle est plein centre, Cyril, filet, tu vois. Je viens de le revoir. Mais tu vois, une frappe filet, qui atterrit dans le petit filet, elle ne peut pas être plein centre, sinon elle serait dans l'axe du but. Achète-toi des lunettes. Les mecs, achète-toi des lunettes. Petit filet, c'est la frappe de. Je l'ai devant mes yeux. Il y a un arrêt sur mon âge. Je ne supporte pas la mauvaise foi. Viens voir, j'ai l'arrêt sur image. Viens voir, elle est dans l'angle. Elle, je ne l'invente pas, regarde. Donc le moment, elle est là. Elle n'est pas là, la balle. Elle est là, dans l'angle. Je l'invente ou je ne l'invente pas? La balle, elle est là? Elle est là. Je ne l'invente pas, elle est dans l'angle. Seb, on va faire un truc. La bonne fois de Cyril. Débattez, mais pas devant le micro. Le flop, le top. Alors attends, on va revenir sur le débat de Costil. On va faire le top. Ah bah écoute. Après, on prendra. Alors, tu mets des gamins, les enfants. Vas-y. On prendra l'avis de Dexter sur Costil et on fera un tour de table. Essayez de mecs de pas parler devant le micro, qu'on vous entende pas débattre sur votre débat d'enfant de 5 ans. Allez, ton top. Alors les tops, on en a sorti aussi on en a sorti que 3. Pour vous laisser le choix sur le dernier, si vous avez d'autres tops à sortir. Ouais, c'est en clair, c'est pas le top, mais c'est le moins mauvais du match, on va dire. Les gars, s'il vous plaît, vous êtes devant le micro. Ah oui. Alors les 3 qu'on a sortis, c'est Palencia, Kalou et Camano. Donc celui qui remporte, qui a été pour vous le top de ce match, c'est Kalou avec 39%, suivi de Camano à 30 et de Palencia à 28. Donc c'est quand même assez serré. Palencia, alors moi, c'est pas plein axe. C'est. J'aurais pas mis Palencia 3ème, j'aurais mis 1er parce que il a. Alors tout le monde va retenir il est bien rentré dans le match au fur et à mesure. Oui, c'est ça, et tout le monde va retenir dans le match qui s'est fait passer par Gradel, voilà, sauf que derrière Gradel perd le ballon. T'en penses quoi toi, mais attends. Mais Palencia là, et je vais voir si Dexter est d'accord avec moi, là où il a été très intéressant, très très intéressant, c'est un jeu horizontal dans les diagonales, etc., et sur le but qu'on met. C'est son jeu qui permet ça. Ça veut dire pas être sans arrêt à chercher le côté droit et être bloqué là sur le but. Si vous regardez, c'est Palencia qui fait la première relance sur les Raguers et il fait une relance vers l'axe en diagonale. C'est une autre dimension que ça ajoute à notre jeu. Et si on a Sabali en plus à gauche, qui est un droitier, on aura aussi ça de l'autre côté et ça va permettre de trouver des espaces, ce qui est très intéressant. T'en penses quoi, Dexter? Moi, je l'ai trouvé très mauvais défensivement, mais après, offensivement, intéressant. Donc, ni bon ni mauvais, je l'aurais pas mis dans les tops, moi. Alors, moi, je trouve que défensivement... Alors c'est là que je suis pas d'accord avec toi. C'est que pour moi, je trouve que justement, il est juste défensivement. C'est-à-dire que dans l'envie, dans l'impact, il répond à ce que j'attends. Oui, mais alors là, on est dans le physique. On n'est pas dans le. Moi, c'est physiquement qui s'est fait bouger. C'est-à-dire qu'il manque de. Il manque de dynamisme. Il manque de. Ouais, voilà. Il manque de coffre. Il manque. C'est pour moi, c'est ça qui manque. C'est de l'accélération. C'est une capacité à se retourner et être très rapide sur 4-5 mètres. C'est ça qui lui manque. Après, dans ses intentions défensives, d'aller tacler dans les pieds, parce qu'il a fait 2-3 interventions dans les pieds qui étaient intéressantes, avec une relance propre derrière, moi je trouve que c'est honnêtement un remplaçant très très bien pour Sabali. Il a de l'agressivité en plus, donc il est plutôt intéressant. Après, à canaliser aussi, parce que j'ai cru voir qu'il avait quand même pas mal mangé de carton avec la réserve du Barça. C'est un joueur qui est intéressant, et je pense que l'association avec Kalou... peut à terme se concrétiser, être un atout offensif pour les Girondins. C'est pour ça que pour moi il est bien plus qu'un remplaçant. Enfin, moi je ne conçois pas qu'il soit juste remplaçant de Sabali. Après il est juste prêté. Hein. Oui, mais si Sabali a pas les mêmes automatismes avec Kalou que lui il les a eu sur ce match-là, je suis désolé, Sabali va repartir soit à gauche soit sur le banc. Pour moi, calmer, ça ne dérangera pas. Sabali présente. Sabali, on va pas le déloger comme ça. Sabali avec Kalou. Non mais Sabali présente quand même beaucoup plus de sécurité défensivement et offensivement que Palencia. Je trouve que Palencia a fait une belle première. Ouais. Mais Sabali, c'est Sabali quoi. Pour l'instant, Sabali étant blessé, enfin il va reprendre l'entraînement avec le groupe là cette semaine. Étant blessé, il est un remplaçant pour l'instant crédible de. Et rien n'interdit d'avoir Sabali à gauche. Et rien n'interdit d'avoir Sabali à gauche, complètement. Ouais. Interdit d'avoir Sabali parce à gauche. Après avoir, est-ce que Sabali va vouloir jouer à gauche? Sabali n'est pas encore sûr d'être Girondin au 31 août 2018. Sur le top, de toute façon, c'est toujours délicat dans des matchs où c'est aussi mauvais d'en sortir un. Je me dis, franchement, s'il faut en sortir un, tu prends le côté droit parce que t'as juste pas envie de les incriminer. C'est tout. Et après, si tu veux compléter pour pas avoir que deux joueurs. C'est les trois moins mauvais de toute façon. C'est les trois moins mauvais. On n'est pas sur trois qu'on réalise un bon match. Donc dans tous les cas, le débat sur le top, il n'est pas très utile. Pour en revenir au tour de table de tout à l'heure, puisqu'on a un débat sur Costil qui a été demandé par. On va le faire 10 minutes là, le temps avant de passer à Dexter. Qu'est-ce que tu en penses de Costil? Quoi? Moi, je suis ni pro ni anti-Costil. Je trouve que là, il fait un début de saison très très mauvais. Comme l'an dernier, d'ailleurs, il avait été très très très très mauvais au début de saison. Il s'était repris, donc je suis un peu déçu. Je trouve qu'il n'est pas au niveau, en fait. On était tellement habitués à mieux avec Carasso, je trouve qu'il n'est pas au niveau. Il répond pas aux attentes des Girondins. Oui, non, après c'est ça. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'il répond pas aux attentes. Il est pas si souvent que ça décisif, alors que c'est quand même censé être un gardien d'un niveau quand même plus que tu rappelais Cyril, international et voire qui était quand même dans les 4-5 présélectionnés pour l'équipe de France. Et moi, ce qui me désole encore plus, c'est que c'est déclarations d'après match où en gros il y a aucune remise en question. Je veux bien qu'il nous explique que l'équipe a la possession du ballon, il ne doit pas être collé sur sa ligne. Effectivement, c'est vrai. À partir du moment où Sankaré perd le ballon, je pense quand même qu'il aurait dû avoir le réflexe aussi de sécuriser sa ligne et ne pas rester avancé comme ça. Alors après, je rejoins pas par contre les gens qui disent avec Carasso on l'aurait pas pris. Ça, c'est de la parce que, fiction. Tout simplement, ça, personne pourquoi, en sait rien, quoi. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé à Cédric Carasso. Bah, c'est les mêmes buts. Et je me souviens des matchs, un Bordeaux-Nice, je crois la dernière saison où on joue à l'Escure, où il encaisse un but de 30 mètres, un gros lob. Donc voilà, bon, c'est les génies qui te disent. Carasso a déjà fait des boulettes de toute façon. Mais toujours est-il, puisque aujourd'hui on parle de Benoît Costil, il ne présente pas les garanties de sécurité et de sérénité. On rajoute à ça une défense devant lui qui est complètement inédite et qui n'a pas d'automatisme avec lui, et on obtient une bouillie. Et je pense que Benoît Costil devrait demander à l'analyse vidéo de revisionner un petit peu ces images pour qu'ils se rendent compte un petit peu de ces problèmes. D'autant, et je termine là-dessus, Seb, que les joueurs toulousains ont annoncé avoir analysé et perçu Costil comme étant une faiblesse de l'effectif. Après ça, je pense que le garçon ferait bien de se remettre en question et éviter de nous saouler et de nous sortir des conneries comme Enzo. Après Costil, il n'y a pas de remise en question en public. C'est beaucoup de joueurs, c'est affreux. Beaucoup de joueurs, mais en public, je préfère qu'il le fasse. Mais c'est une débilité. Je préfère qu'il le fasse en privé, loin des caméras. Oui, ça sert à quoi de se flageller devant une caméra de télé? Pas se flageller, mais au moins dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il peut dire qu'il a fait une erreur, ça va tuer personne. Vous croyez qu'il le sait pas, sans déconner. C'est ça. Vous croyez vraiment qu'il le sait pas. Ta bouche, mais il nous sort des conneries. Mais ça va te faire quoi, Dexter, qu'il le dise ou qu'il le dise pas? Ça va te changer quoi, franchement? Désolé, moi j'ai besoin qu'il admette ses erreurs, c'est tout. Moi j'accepte pas ça. Mais écoute, je trouve ça une aberration qu'on demande à chaque joueur. À chaque fois, ce qui m'interroge, c'est que. On se rend pas compte, beaucoup de personnes ont joué au foot et quand tu fais une erreur, t'es le premier au courant. T'as pas besoin de dire à tout le monde, ah ben j'ai fait une erreur. Non mais pas c'est sur bon. Chaque fois, mais quand c'est l'accumulation, tu peux le dire quoi. Mais il a dit ça, mais c'est un discours de façade, comme quand un entraîneur dit protège son équipe. Eh bien, mais c'est pas obligé non plus de dire. Je m'en fous quoi. Enfin, je m'en fous de ce que vous dites. T'es pas obligé de le dire parce que c'est clairement ce qu'il dit dans sa conférence. Ouais, venez pas chercher la crise. Venez pas chercher la crise. C'est à force d'en parler que vous allez la mettre. Moi, j'ai rien à me reprocher. Voilà. En substance, c'est ce qu'il a dit. Il est pas obligé de le dire. Il dit, j'ai pas envie de répondre. Point. Il est pas obligé de dire. Je m'en fous de ce que tu dis. Pour avoir l'an dernier avec Cyril et Marc, quand on avait été voir Benoît Costil pour lui parler et demander une interview et se présenter, on sent que son regard vis-à-vis la presse est un regard c'est une protection. C'est-à-dire que tout ce qu'il va dire à la presse était beaucoup plus prolixe à Rennes, hein, dans ses commentaires d'après match, quand il faisait. Enfin, de toute façon, on va pas se cacher, il est pas bien à Bordeaux. Ça fait un an qu'il est comme ça, et voilà. Mais donc, il est pas bien dans ce club, il est pas bien dans cet environnement. Il a été mal accueilli aussi. Hein. Il a été mal accueilli, c'est vrai. C'est pour ça, il est pas bien. Pourquoi il est pas bien? C'est tout simplement qu'il y a quand vous lisez aujourd'hui que Costil c'est le pire gardien de l'histoire, et il y a plein de supporters qui disent ça. Personne dit ça. Arrête c'est de encore dire de l'exagération. Personne dit que Costil, c'est le pire gardien de l'histoire. Dexter, on va te remercier. On a un autre auditeur qui nous appelle. Yes. Merci pour l'intervention. Un petit mot pour terminer avant qu'on se quitte. Libérer Poyet. Ok, ça marche. Merci, voilà, Dexter. Ciao. Donc on va avoir à l'antenne Kanté Lamine qui nous appelle pour le débat sur son prénom, sur ça, ou c'est son nom et son prénom. Bah écoute, moi c'est comme ça qu'il s'est présenté à l'antenne, donc au téléphone, donc je le présente. Est-ce que ça doit être son nom et son prénom? Je pense que c'est son nom prénom. Qui voulait réagir donc sur Costil? Costil, en gros, il dit que quand on fait deux bourdes, à un moment on va sur le banc. Il est très mécontent du fait que le gardien soit autant avancé. Bonsoir Kanté. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Kanté. Comme N'Golo. Ouais, comme vous. Voilà, comme N'Golo Kanté. Tu voulais donc réagir sur Costil, donc on t'écoute. Oui, ouais, moi je voudrais bien réagir sur Costil. Il fait une bourde. Ça nous a coûté un carton rouge, un but et une défaite. D'accord. Mais c'est pas la première fois qu'il le fasse. C'est ses erreurs. Là, il rebolote prochainement. En plus, en début de championnat, ça nous met dans la cambouille. Et là, il refait la même chose. On prend un but, on était mené. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire? On va continuer avec un gardien passoire. Moi, je suis gardien de but. Je joue au ballon. Les règles disent que quand tu as le ballon dans ton champ, le gardien de but se doit rester sur sa ligne de but. Après, tu vois, justement, là-dessus, alors je sais que tu m'as dit que tu avais été gardien. J'ai aussi été gardien et c'est pas forcément ce qu'on m'a appris. J'ai revu des images. Je me suis amusé. Je me suis dit bon allez, vu que ça tire à boulet rouge au Costil, je vais aller voir ce que faisait Carrasso et ce que faisait Ramé sur les tirs de loin. Comment ils se comportaient. Ces gardiens étaient aussi avancés comme l'est aujourd'hui Costil. Par contre, il y avait une grosse différence avec Costil et que je ne comprends pas avec Costil, c'est que quand il y a un tir de loin, Il s'autorisait aussi à faire 2-3 pas avant de sauter. J'ai l'impression que Costil, si la frappe est de loin, il va s'avouer peut-être vaincu un peu trop vite. Je trouve que les buts, c'est pas trop sa position au moment de la frappe qui me pose un problème, mais c'est son niveau sur la frappe, c'est-à-dire sa détente, sa réactivité sur le tir. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, quand il doit faire un choix, il prend trop de temps pour le faire et il fait souvent pas le bon. Il y a un problème. Oui, parce que là, mais pourquoi il est dans le doute? Parce que si vous regardez Pablo en défense, Costil, ça passe. Mais là, il fait une bourde. Là, il n'y a pas Pablo. Donc, l'équipe, je trouve qu'on n'est pas costaud. Si vous regardez les équipes comme Angers, comme Nîmes, par exemple, on n'est pas costaud. Et pourquoi Bordeaux aujourd'hui, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne joue pas au ballon? Mais moi, Kanté, je te rejoins un petit peu quand même. Vas-y. Oui, laissez-moi passer. Parce que on a le milieu de terrain. Au lieu de mettre une équipe plus offensive, les trois qu'on met, c'est une place. C'est les trois là, c'est une place pour une personne. Il y a deux personnes à dégager, les Sankaré, les Garer, comment il s'appelle, j'arrive pas à dire son nom là, l'Asile. Mais c'est pas des joueurs comme ça qui savent dribbler, qui vont amener de la vivacité. Ça, je suis pas d'accord. Oui, mais quand on peut acheter n'importe quel attaquant qui marquerait but sur but, on n'arrivera pas. Les côtés, on est complet. Côté gauche, côté droit, on a des bons joueurs, on a des attaquants. Mais pour déstabiliser une équipe, il faut que le milieu de terrain, quel que soit défensif ou offensif, devait toujours attaquer au milieu pour pouvoir faire resserrer l'adversaire au milieu, que sur les côtés ça déboule, mais à Bordeaux, on se fait chier. Il n'y a rien à voir. On se fait chier sur le terrain. Une passe, je m'arrête. Le football, c'était quoi? On peut jouer sans ballon. T'as pas le ballon. Cours. Fais courir. Il faut courir. Quelqu'un d'autre va s'en servir pour avoir des espaces. Mais ça, à Bordeaux, on ne voit pas ça. En vacances, à Bordeaux. Juste quand t'es pour recentrer sur Oui, Cyril. Pour recentrer sur un attaquant. Mais juste pour recentrer sur Costil, parce que Kanté, au début de son intervention, il fait une remarque, et je suis quand même assez d'accord avec lui, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand tu sais, justement, on dit, ok, notre gardien de but, parce que tout gardien de but a un point faible, gardien de but, sa faiblesse, c'est peut-être les frappes de 20, 30 mètres, c'est un point faible. Ok, d'accord, on le sait, on l'analyse. C'est emmerdant quand même. C'est emmerdant, mais ceci dit, c'est pas irrémédiable. Le joueur peut travailler dessus, et je pense que Costil va travailler dessus, doit travailler dessus et va travailler dessus. Mais quand tu es joueur, que tu sois défenseur, milieu, attaquant, qui tu veux sur le terrain autre que le gardien, que tu sais que la faiblesse de ton gardien, c'est les tirs de loin, eh ben ne laisse pas monter un joueur toulousain à 25 mètres avec le ballon et frapper de loin. Moi, la passivité de la défense, si tu sais que c'est ça la faiblesse de ton gardien, évidemment. Visiblement, pas si évident que ça, puisqu'on laisse faire. Alors, non, mais évidemment, si on est tous d'accord avec ce que tu dis, Seb. Le fait que Costil encaisse ce but, c'est une conséquence de ce qui se passe avant. Mais ton gardien doit être décisif aussi. Là, on focalise sur Costil. Évidemment qu'il y a une perte de balle de Sankaré qui amène cette action-là. Avec peut-être une très légère faute au départ. Oui, mais Il y a des circonstances qui expliquent. Mais le fait, ça n'enlèvera jamais le fait que selon les analyses qu'on peut avoir, Costil est trop avancé sur ce truc-là. Et juste pour terminer sur Costil, après je laisse la parole. Pour ma part, je pense qu'il y a aussi un problème. C'est que Costil n'a absolument aujourd'hui aucune concurrence à Bordeaux. C'est-à-dire que, alors évidemment, le poste de gardien, c'est pas la même concurrence que un joueur de champ. Mais aujourd'hui, Prior a été écarté du groupe depuis la reprise. Il est avec deux jeunes joueurs, Mandanda et Poussin, dont je vois mal quand même venir le pousser sur le banc. Donc aujourd'hui, il y a aussi peut-être ça qui explique le fait que Costil aujourd'hui se sent en sécurité aujourd'hui à Bordeaux. Et c'est pas bon, voilà, parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être poussé et d'être même à 30 ans d'avoir une concurrence. Poussin. Moi, je vais me faire pas vraiment avocat du diable parce que sur ce coup, il est pas vraiment. Et après, on clôture et on passe à jeudi. Parce qu'il est pas vraiment défendable, mais après, ce qu'il faut, ce qui voilà, ce Costil, il était avancé, d'accord. Après, c'est ce qu'on demande aussi à des gardiens. Maintenant, bien sûr que si. Maintenant, tu regardes tous les joueurs. Tu regardes Neuer. Non. Regarde Neuer, qu'est-ce qu'il fait. Neuer, il fait ça. Carrasco, tout le monde défend Carrasco. Carrasco faisait d'accord. exactement pareil. Les gardiens, maintenant, forcément, ils avancent parce que maintenant, quand tu prends un ballon dans le dos, on a des défenseurs qui sont pas forcément rapides avec Hachouk. Il a pas le choix. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je finis juste mon analyse. Alors, allez-y. Merci. Sur ce coup, moi, pour moi, je suis désolé, mais sur ce coup-là, Costil est fautif. Après, quand on voit souvent, beaucoup ont critiqué et ont rappelé aussi la gourde qu'il avait fait contre Fekir. Contre Fekir, je suis désolé, c'est pas une gourde, c'est un tas. Quelle gourde, l'autre il met une. Non, mais voilà, mais c'était magnifique. C'était magnifique. Après, là, pour moi, il est fautif, ok. Mais là, le vrai fautif pour moi sur ce but, c'est Lechuk. Lechuk, il a 3 mètres de l'attaquant, il attaque pas. Alors, ok, c'est vrai que Costil est avancé. Costil, il fait des erreurs depuis le début de la saison. Mais là, sur ce coup, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec ce que vous dites. Moi, je vois un gardien qui a une stat de 7 arrêts. Mais après, par contre, René a la même, hein. Lui, il en a 8. Oui, et après, il fait un bon match. C'est pas les mêmes arrêts, mais après, c'est vrai que Costil, quand on voit, il est quand même bizarre. En fait, il est hyper lunaire sur un match. Il arrive à te faire, il y a un moment où il va te faire n'importe quoi. Et enchaîner après avec des parades magnifiques, comme il a pu le faire aussi à ce match. Sur les faut qu'il gagne en régularité. C'est ça. Pour conclure. Donc, comme vous dites que tous les gardiens ils montent, le gardien il monte quand l'équipe joue haut. Quand l'équipe joue haut, le dernier rempart, quand il y a un grand ballon, un grand dégagement, au lieu qu'il y a une course entre l'attaquant et un défenseur, le gardien il est le premier. C'est quand le ballon il est dans le camp adverse. Mais quand le ballon est dans ton camp, on devait être sur sa ligne pour avoir plus de repères. Et quand tu plonges bien horizontalement. Eh bien écoute, Kanté, on va espérer que Costil se... Allez, c'est que le début de saison, donc il a encore toute une saison pour montrer qu'il est un des grands gardiens français et qu'on l'a pris aussi pour ça. Je suis pas d'accord avec vous. Eh bien tu pourras nous rappeler lundi pour en reparler alors. Vendredi, pardon. Ils nous mettent des jeunes, hein. Les jeunes, ils en veulent, ils attendent que ça. Parce eh ben écoute, il est trop lourd. Peut-être jeudi, voilà. Va savoir. Pourquoi pas. Oui, jeudi, avec la situation, je pense pas qu'on va aller plus loin. Eh ben, tu peux nous rappeler vendredi pour en reparler, Kanté, ok? Ok, je vous appelle vendredi. Avec plaisir. Merci, Kanté. Merci à toi. Bonne soirée, ciao. Au revoir, bonne soirée. Messieurs, oui. Sur le débat à Costil, alors, on a eu un petit problème de réseau. Fait que les. C'est Costil, ça, non? Ouais. C'est ce que je disais sur le chat. En ce moment, c'est ou Costil, ou Benalla, ou Poyet. La mafia bretonne. Trois trucs. Donc, ça revient, vous pouvez vous reconnecter. Non, en ce qui concerne Costil, je vous ai entendu parler de la concurrence. La concurrence, c'est que le coach qui peut la juger. Arrivé un moment, l'année dernière, prior, la concurrence, c'était pas forcément mieux. Ça n'a pas empêché Costil d'aller faire 2-3 tours sur le banc. Moi, ce qui me dérange, c'est que depuis qu'il est à Bordeaux, Costil, il a fait une bonne période sur le début d'année 2018, mais c'est quand même pas trop. Il fait la deuxième partie de saison. Moi, je trouve que c'est pas ouf depuis un long moment. Il nous sauve contre Saint-Etienne. Sinon, je comptais passer à la suite. Sur 2-3 matchs, tu vas en trouver. Il a fait des bons matchs, mais je trouve que sur la régularité, c'est pas au niveau de ce qu'on attend à Bordeaux. Merci. On l'enchaîne, Arsène. En espérant qu'ils viennent pas. Moi je prends Arsène. Hein. Wenger, je prends. Ah mais sur la fin quand même. Ça me fiche. Même en formateur et tout ça, même en. Avant match, messieurs. C'est mieux que Pascal Duprat. Hein. On n'est pas sur le même niveau, heureusement quand même. C'est vrai, t'es plus près de Duprat que de Wenger. Hein. Là oui. Niveau salaire, oui je pense. Donc on enchaîne Arsène avec ce qui pas le temps de niaiser comme disent nos amis québécois, puisque jeudi 20h45 Bordeaux se rend en Belgique dans la belle ville de la Gantoise. Genk, la Gantoise. Oui. C'est Genk, c'est le nom flamand ou wallon, je sais plus, un des deux. D'accord. Le nom pas français. C'est pas Gant, la ville en La Gantoise. Oui, Genk, Gant, c'est pareil. On va vérifier quand même, je suis pas super sûr de moi. On va vérifier. Je crois que la Gantoise, c'est un nom de club. La régie va vérifier ça de suite. Donc, il y a une course qui s'appelle Gant Wevelgem. Tout à fait, c'est ça là. C'est vrai que la gantoise de Wevelgem, ça a moins de gueule. Donc, Bordeaux se rend sur le terrain des Belges pour le match aller du tour de barrage, tour de barrage préliminaire barrage. À la qualification barrage, pour les poules. Voilà, barrage. Les barrages. La gantoise qui a gagné, qui s'est imposé 3-2, si je dis pas de bêtises, à l'extérieur ce week-end en championnat, alors face à une équipe un petit peu. Sachant qu'il jouait à 10, hein. La gantoise jouait à 10. Autant pour moi, je n'avais pas cette information. Et ouais. Tiens, qui veut se lancer sur ce match-là? Bédoué a plus ou moins, comme disait Marc tout à l'heure. Oui, le sondage, tout à fait. J'ai un sondage en rapport avec ce qui se passe, avec le match de jeudi. Tout à fait. Alors, nous avons mis sur les réseaux sociaux, jeudi, nous jouons notre barrage d'Europa League contre la gantoise. Vous êtes, alors il y a deux possibilités, soit très très inquiet, soit optimiste, on y croit. Et vous avez été 70% à voter très très inquiet. Contre 30 pour on y croit. Eh ben on y croit les gars, moi le premier j'y crois. Je dis pas qu'on a gagné, j'ai vérifié, c'est bien Gand, la ville. G-A-N-D. Voilà. Tu vois, c'est ça. G-A-N-D. Ok. Voilà. Non mais, enfin, comment remercier Seb pour être pour ce merci ce match-là après merci le cyclisme pour avoir bugué trois fois avec ma bouche. Ce match-là quand même pour être confiant, il faut se dire on va faire un résultat là-bas. Aujourd'hui, le problème c'est que Bordeaux va aller faire un résultat. Alors okay, déjà, définissons ce que c'est faire un résultat à la gantoise. C'est quoi? C'est pas un perdre. Match nul, on dit que c'est un résultat. Et marquer un but à l'extérieur. On est d'accord. Le problème, c'est que marquer un but aujourd'hui, c'est quand même très compliqué à Bordeaux. C'est-à-dire que normalement, un but, tu vas t'appuyer sur ton attaquant. Et c'est pas les attaquants qui marquent. Alors, t'as Camano, qui est en grosse réussite. Mais au niveau des stats, au niveau des attaquants purs, ben, moi, je suis pas brillant, me fais pas fantasmer. De Préville, encore moins. Plutôt des cauchemars. Je vois pas avec quelle certitude on a avec ce match. Pour moi, Toulouse devait être un révélateur sur dans quel état étaient les joueurs. Est-ce que tu peux pas dire on y va juste pour défendre et ramener un point, quoi? Ça on sait pas faire. Mais déjà, peux pas ramener un point sur un match aller-retour. Non. Mais non, ramener un nul, je veux dire ramener un nul. Le problème, c'est que sur quelle certitude. C'est peut-être un truc à faire, ça. Sur quelle certitude tu te bases pour dire que Bordeaux est aujourd'hui capable d'aller à l'extérieur défendre 90 minutes? Sur quoi on se repose? Sur qu'à un moment donné, c'est pas. Si les circonstances l'imposent, faut le faire. Sur rien, Marc, mais ça veut pas dire qu'on peut pas le faire. C'est le problème. Cyril. Moi, sur ce match-là, moi, ce que j'attends, clairement, c'est de pas être éliminé au premier match. Voilà. Déjà, moi, c'est moi. C'est ça pour moi l'objectif. Le premier impératif, c'est qu'on ait au moins quelque chose à jouer au second match. Alors, je sais qu'on n'est pas dans des bonnes conditions. Malheureusement, Bedoué, il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a à disposition. Moi, cette équipe de la gantoise, je vais pas mentir, je la connais pas. Donc voilà, mais j'ai tendance à dire que la gantoise, de souvenir, ils ont fait quelques belles campagnes. Il y a deux ans, notamment. Contre Lyon, j'ai une image d'une belle équipe joueuse contre Lyon. Ils leur en mettent pas trois, je crois. Mais par contre, il me semble que leur meilleur joueur, qui était Moses, est parti. Ils ont changé l'effectif a quand même un peu, un peu évolué. Donc je me dis. Moi, côté supporter, je me dis déjà, si on pouvait assurer ne pas être éliminé au premier match et qu'on ait un match nul. Même 2-1, défaite 2-1, ça passe. Moi, je me dis, densifions notre milieu de terrain, soyons solides sur nos fondamentaux, que sont l'axe, avec un Pablo, Koundé, avec, pourquoi pas, lancer le Bacic, ou je sais pas comment vous dites. Et on peut pas. Il peut pas jouer avant les poules. Il nous faut un gros 6. Je pense que Plasy, malheureusement, il n'a pas la capacité, il a pas la capacité à jouer ce rôle de sentinelle là qu'on aura vraiment besoin pour aller au duel, parce que là, il va falloir. Est-ce qu'Otavio peut le faire? Mais le problème, c'est qu'Otavio, il n'a pas vraiment un rôle de. Moi, c'est pas exactement le rôle que j'aimerais avoir. C'est peut-être que le Rager peut l'avoir. Peut-être que le Rager, juste devant la défense, peut avoir ce rôle-là de joueur qui impulse. Otavio, c'est plus un gratteur de ballon, en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est quelqu'un qui impulse une dynamique dans les duels, qui aille vraiment. Alors, on a à l'antenne Sébastien. Je lui ai demandé quel était son état d'esprit sur le match. Il a dit quand même que ça faisait peur. Quand tu pars du principe qu'on espère ne pas être éliminé au premier match, c'est quand même qu'il n'y a pas de grosse certitude. Salut, bonsoir Sébastien. Salut, bonsoir à tous. C'est moi-même, dis donc. Tu m'as dit que tu n'étais pas capable de faire un prono parce que tu connaissais pas trop la gantoise. Tu disais que les discours sont quand même pas hyper rassurants. Dans quel état d'esprit tu te places, toi, pour ce match-là? Bon, franchement, je pense que ça va être compliqué. Et je pense que c'est un exploit si on passe sur les deux matchs, concrètement, au vu de l'état psychologique des joueurs, de l'effectif en lui-même et la situation du club. Bon, ça peut y avoir un miracle, hein, ça reste du foot, on sait jamais, mais bon, c'est à voir aussi par rapport à eux, la Gantoise, où est-ce qu'ils en sont. Puisqu'ils ont perdu Kalou, qui est a priori qui est un bon joueur de chez eux, qui est venu chez nous. Je sais pas par qui ils l'ont remplacé, comment ça se passe chez eux en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'adversaire le plus fort qu'on va rencontrer par rapport à l'Europa League là cette saison. Ça va vraiment monter d'un voire deux niveaux par rapport à l'adversaire précédent. Donc bon, ça fait peur quand on voit les prestations. Moi j'ai regardé quand même les matchs les deux tours d'avant. Bon, c'est vrai que c'est faible, quoi. Mais tu penses que ça va être quoi la clé du match? La clé du match, à mon avis, c'est... Bon, je crains que ça soit psychologiquement, là, les joueurs dans la semaine. S'ils commencent à entrevoir un projet avec un entraîneur qui amène du jeu... Plus que, enfin, pour moi, ce qui est important, ce serait vraiment de prendre un entraîneur qui propose du jeu, qui a envie de faire jouer des gars, qui prennent du plaisir, qui se défoncent ensemble sur le terrain. Etc. Sébastien, je te coupe, parce que l'entraîneur, tu l'auras pas avant jeudi. C'est ça, mais bon, je pense que les joueurs vont être un peu au courant par le biais des agents, etc. Ils vont avoir deux, trois, je pense, sons de cloche assez rapidement pour savoir vers qui ça risque de se tourner. Enfin, si j'en ai autant que la presse qui se dément d'heure en heure, enfin, qui sort une info pour la démentir l'heure d'après, je pense qu'il vaut mieux pas qu'ils écoutent, sinon ils vont être encore plus dans le mal. Hein. Thibaut, sur ce match aller de... Eh ben, moi je vous écoute et ça me fait chier d'entendre qu'on a peur de la Gantoise, quoi. Oui, moi c'est pareil. C'est-à-dire qu'on en est réduit à ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui me rend fou, pour parler poliment. Après, oui, bien sûr que on peut pas être serein à l'approche d'un match comme ça dans l'état où est Bordeaux aujourd'hui. Quand j'entends 2-1, une défaite 2-1, ça me satisferait. Ah, ça me fait mal quand même, hein. Donc, mais c'est vrai que Bordeaux, alors avec quel joueur aujourd'hui, puisqu'on a le retour de Pablo, donc ça devrait peut-être un peu sécuriser l'axe central de notre défense. Au milieu de terrain, Bédoué va devoir faire des choix. Est-ce qu'il va continuer dans son système préférentiel, comme le disait Enzo tout à l'heure, le 4-2-3-1? Ou est-ce qu'il va changer de système pour essayer de privilégier une équipe un peu plus offensive? J'ai pas la réponse, mais en tout cas il va falloir relancer certainement Otavio, qui pour moi a été mis au placard de manière assez incompréhensible et assez injuste. Donc voilà, oui, de l'inquiétude forcément, et surtout voilà, la perspective de vivre une fin août compliquée si jamais d'aventure on venait à se faire éliminer. Parce que n'oublions pas, Thibaut a raison de le rappeler, il faut quand même pas oublier que l'objectif premier de ce mois d'août, c'est pas, alors évidemment si tu peux battre Toulouse, Strasbourg et Monaco c'est bien, mais c'est quand même en numéro 1 de se qualifier pour la Coupe d'Europe. C'est quand même ton objectif depuis combien? Un mois et demi qu'on a commencé? L'objectif, c'est peut-être celui-là. Mais l'objectif, je pense que... l'objectif, c'était effectivement de se qualifier en phase de poule. Mais c'était certainement pas de faire deux résultats négatifs, dont un qui ouvre la saison à domicile, où tu te fais bananer contre Strasbourg, et contre Toulouse, où t'es pas plus mauvais que Toulouse, mais où tu vas perdre quand même chez le voisin. Donc c'est pas un début de saison idéal, mais qui peut encore être pire si jamais d'aventure au 31 août, Bordeaux perdrait contre Monaco et se faisait sortir la Coupe d'Europe. C'est ça le... J'ai une réaction parce que je suis plutôt d'accord avec Chris 33. Vas-y. Faut pas avoir peur de la Gantoise, défense presque type. On verrouille le milieu de terrain, on joue en contre pour marquer. C'est ça. Et puis voilà. Et c'est ça, on sait le faire, ça. Après, c'est vrai que... On a l'impression d'être schizophrène entre le passage de Coupe d'Europe à passage championnat. En fait, ce qui est dur, c'est que là, sur les deux prochains matchs européens, c'est ton début de saison qui se joue et vu que tu te serais fait éliminer en Coupe d'Europe, tu aurais gagné tous tes matchs en championnat. Là, c'est pas ton début de saison qui se joue. C'est la sa suite de ta saison qui se joue. Oui, oui, aussi, mais c'est très important. Ça veut dire que le championnat, il y a encore 38 journées. Alors, même si c'est pas 36, même si c'est pas idéal d'avoir commencé comme ça, l'important, c'est de te qualifier en Coupe d'Europe. Évidemment. Et contre la Gantoise, moi, je vois plutôt un match. Je suis sûr qu'on prendra un but. Ce sont pendant un but, c'est sûr, ça. Il faut être capable d'en marquer et être solide au milieu. Donc, il va falloir que ça soit impulsé par des joueurs comme Sankaré, Camano. Et oui, j'ai bon espoir. Tu perds de vue en disant ça, les déclarations de Bédou après le match, qui dit oui. Oui, il y a des joueurs que si je ne fais pas tourner, ils vont exploser. Mais donc oui, je vais faire tourner. C'est pas quand Sankaré. Tu me parles de Le Rager, de Plasil, de Sankaré, je suis pas sûr de les voir. Non, je t'ai dit Sankaré et les Camano. Ben, je suis pas sûr de les voir sur le terrain. Sankaré, je suis sûr. Je suis sûr. Sankaré est sorti à 60e, il sera sur le terrain. Camano, il sera parce que c'est un joueur essentiel et c'est ton leader d'attaque, entre guillemets. Tout résultat négatif. Négatif oui. Pour la qualif à la Gantoise. Je vous rappelle pas ce que l'échec de Vidéoton a fait la saison dernière. Mmh. Nous a plombé les trois quarts de la phase aller, même les 4/5 de la phase aller. Effectivement, on enchaîne 4 victoires consécutives en Ligue Europa pour l'instant. On se dit, si on reprend les déclarations, je veux pas revenir sur lui, mais de Costil, on gagne 4 matchs sur 6, tout va bien. Oui, tout va bien, ok. Ben, acte, prenons-en acte pour jeudi et voyons ce qui va se passer. Seb, avant de conclure, parce qu'on a un autre auditeur juste derrière toi. C'est pas un auditeur, c'est l'invité. Oui, mais j'ai dit auditeur, mais c'est trop long. J'ai fourché. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et ce serait trop long. On pourrait débattre pendant des heures. Eh ben, tu peux nous rappeler vendredi si tu veux. Il n'y a pas de souci, avec plaisir, en croisant les doigts pour que qu'ils se sortent les doigts entre guillemets. On peut même faire mieux, Sébastien. Si tu es sur Bordeaux, tu peux même venir participer à une émission si tu veux. Ah, ça fera deux Sébastien dans la même émission. Donc je sais pas si t'as Twitter. Ça me fait pas trop compliqué, avec plaisir. Si t'as Twitter ou Facebook, tu nous contactes par ce biais-là et puis on sera ravis de t'accueillir. D'ailleurs, on précise, si vous voulez venir assister à l'émission et qu'on vous le propose pas, vous pouvez venir quand même. Ouais, n'hésitez pas. C'est comme ça que j'ai fait il y a 2 ans et je me suis retrouvé avec eux. Maintenant, j'arrive pas à m'en débarrasser, mais bon. Et nous donc. Merci. C'est gentil en tout merci, cas. Merci à vous soirée. Et puis bravo pour votre émission. Merci et à toi. C'est cool. À bientôt. Ciao. À bientôt. Bonsoir. Oui, vous pouvez venir assister à l'émission si vous le souhaitez. Surtout si vous appelez Gus Poyet. Avec plaisir. Donc, je suis pas sûr qu'il ait très envie de s'exprimer pour l'instant. Mais nous on prend. Je comprends bien, oui. Ah mais Gus, si tu nous entends, Benaki. Oui. Alors on s'excuse, on a des problèmes de connexion. On sait pas trop si ça vient de la connexion internet alors on le tente. Chez nous ou si ça vient de notre fournisseur de streaming. Mais ouais, vous avez eu 2 grosses coupures dans la soirée, donc j'ai essayé de les contacter, on n'avait pas les avoir, donc on peut pas faire grand chose. Vous aurez le podcast dans tous les cas. Alors Diesel nous dit non, moi je suis blacklisté déjà. Pas du tout, Diesel. Si tu veux venir en studio ou appeler au téléphone, prends ton téléphone ou viens en voiture et appelle-nous. Avec plaisir. Non, on l'enchaîne. Donc il n'y a pas de blacklistage. Ah oui, il n'y a pas de blacklistage. Tu peux même appeler.